Zaïko, une fleur de guise, Mandoloba, en tant que travail, Tisanga, wana, secret à mon salaire. Zaïko, l'enfundo, Théo, Sena, l'olendo, matatate, Toyo, kana, c'est bon, boto, nabaninga. Zaïko, une fleur de guise, Mandoloba,